Hello, ravie de vous offrir nos produits et happy birthday pour les 2 ans, Alice. Merci beaucoup. Merci, Propice. J'ai hâte de découvrir cette pépite. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Beauté Imaginée, le podcast et le compte où on n'a pas besoin de s'exposer pour parler ensemble de beauté. C'est pour ça que vous ne verrez jamais de visage entier dans mes lives, c'est symbolique. Alors, il y a 2 ans, jour pour jour, j'enregistrais mon tout premier épisode de podcast. Je voulais marquer le coup aujourd'hui en organisant une émission spéciale comme je les aime. J'ai réuni pour l'occasion 2 belles invitées de Beauté Imaginée, une ancienne entre guillemets et une future pour les opposer dans un quiz beauté. Qui sont mes invités ce soir pour ce grand combat des 2 ans de Beauté Imaginée. Sur Instagram, chers auditeurs, je vous ai posté leur voix comme indice. Voici une petite présentation pour vous situer. Milo, déjà, est avec nous ce soir. Vous avez découvert Milo dans son interview de l'épisode numéro 34, ainsi que lors de mon dernier quiz beauté en septembre pour la Journée internationale de la beauté. Milo, c'est bien sûr notre danseuse préférée sur Beauté Imaginée. Sur sa chaîne YouTube et ses réseaux, Super Milo enseigne différentes danses dynamiques avec humour et légèreté. Milo veut qu'on comprenne qu'on peut tous danser. Et elle est très persuasive puisque, pour ma part, je vais même me rendre à son prochain cours de danse sur Paris. Donc, merci beaucoup, Milo, de ta fidélité. Et encore joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Et je suis ravie d'accueillir pour la première fois Sandrine, qui sera dans l'épisode 68, a priori. Sandrine sera ma belle invitée le 11 mai prochain. Sur ses réseaux Forever Dreams 76, Sandrine nous partage avec transparence toutes ses découvertes en matière de beauté, avec une grande énergie et toujours avec le sourire. Sandrine est une grande passionnée de cosmétiques. J'ai hâte qu'elle nous raconte tout son parcours sur les réseaux le 11 mai prochain. Merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup, Sandrine. Avec plaisir. Chers auditeurs, moi donc, c'est Alice. J'ai donc créé le podcast Beauté Imaginée pour sensibiliser à la cosmétique naturelle et pour prouver qu'on n'a pas besoin de s'exposer pour parler ensemble de beauté. J'interviewe donc dans chacun de mes épisodes un invité à visage caché, des professionnels du secteur, des créateurs de contenu et des marques responsables. Et super nouvelle, j'ai convaincu une de ces marques déjà interviewées de participer à cette émission en offrant à la gagnante de ce soir son duo de produits upcyclés, bio, naturels et vegan. C'est Propice qui a accepté de célébrer avec nous cet anniversaire en offrant donc son sérum graine de lumière et sa crème pulpe d'éclat à la gagnante du quiz. Ah ouais. Ça vous motive à gagner. Je veux ces produits, je veux ces produits. Sachez que ce n'est pas tout, puisqu'en fait, Propice offre de toute façon à toutes les deux le sérum. Donc, même si vous avez un 0 sur 12 ce soir, voilà, vous pourrez découvrir le sérum. Et en plus, voilà, la gagnante sera la crème. Merci infiniment. Pour une petite présentation de cette marque, souvenez-vous, chers auditeurs, j'avais interviewé Hervé, le fondateur de Propice, en mai dernier, dans l'épisode 38. Il nous avait parlé des valeurs de sa marque engagée. Le concept de Propice, c'est donc de créer ses formules grâce à l'upcycling. Ça veut dire revaloriser les ingrédients laissés pour compte pour bénéficier de leurs actifs. Alors, juste pour illustrer ce concept, voici l'exemple de 2 coproduits que Propice intègre à ses formules. Les graines d'amande douce, déjà, qui sont prélevés pendant la fabrication de l'huile d'amande, il s'avère que ces graines ont en fait une action anti-pollution et anti-rides. Et par exemple, l'écorce du pin blanc, qui est prélevée quand celui-ci est utilisé pour créer des planches de bois, par exemple. Donc, en fait, cette écorce permet d'améliorer le teint en le rendant plus homogène. Voilà, on a donc un enjeu ce soir pour cette compétition, donc je suis très contente. Hello, ravie de vous offrir nos produits et happy birthday pour les 2 ans, Alice. Merci beaucoup. Merci, Propice, j'ai hâte de découvrir cette pépite. Au niveau des règles, première partie, c'est donc pour tester vos connaissances en beauté. Voilà. Et juste après, on aura la fameuse rubrique « Les auditeurs t'imaginent ». Et dans celle-ci, vous devrez deviner si chaque anecdote correspond à votre adversaire ou à moi. Est-ce qu'on parie sur qui va gagner ? Ah, très bonne idée, Astrée. Avec plaisir, si vous avez comme ça une inspiration, sans pression les filles, vous n'êtes pas susceptibles. Allons-y, soyons fous, on est là pour rire, pour s'amuser, pour passer du bon temps. On a Astrée qui dit « Je parie sur 1 point de plus pour Forever Dreams, pour Sandrine. On » on prend les paris, ok, on va voir. Alors du coup, première affirmation, combien de pourcentage de Français estiment important que les marques des cosmétiques qu'ils achètent soient engagées en faveur de l'environnement? Voici les 4 affirmations que je vous propose. 16%, 44%, 67% ou 82%. Sandrine, 82? Moi, j'hésite. Je dirais plus Milo, 67. 67%. Premier point pour Milo. Ah, bien joué. C'est 67% des Français. Je dis que ça parle pas à tout le monde, en fait. Malheureusement, c'est grâce à des podcasts comme toi, il y a des interviews et des gens engagés qu'au fur et à mesure, on sensibilise les gens, ouais. Là, sûrement, on n'a pas un gage tout nu dans l'escalier si on a loupé, quoi. Parce que là, on est mal, hein. Ça commence très mal pour moi. Ouais. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée pour mettre un peu de piquant. C'est vrai que 67%, bon, ça veut dire qu'il y a 33% qui ne sont pas trop concernés. Ça, moi, ça me rassure quand même de voir que c'est au-dessus de la moyenne. C'est un pourcentage qui est plus élevé chez la génération Y, comme on dit, les 25-34 ans. Là, le pourcentage ouais, monte à 67%. Je crois que c'est 73 en tête. Je ne sais pas si tu devais partager un truc ou quoi, mais je ne sais pas pourquoi j'avais 73 en tête. Peut-être que tu as vu cette étude possible qui date du coup de 2023, sur l'année du coup de 2022. Sur 2000 adultes interviewés. On enchaîne. Dans les compléments alimentaires pour cheveux, on retrouve souvent de la bêta-carotène, du zinc, de la vitamine E. Zinc. Alors, qu'en penses-tu, Sandrine ? Très honnêtement, j'aurais dit la même chose. Je reste sur le zinc, ouais. Bien joué à toutes les deux. Alors, en effet, c'est le zinc qui est souvent utilisé dans les cheveux, alors que la bêta-carotène va être utilisée généralement pour les produits solaires. Ayant eu des problèmes de peau, j'ai souvent eu des produits avec du zinc et c'était à chaque fois recommandé pour les cheveux aussi. Donc du coup, je sais que tout ce qui est ongles, tu sais, les produits ongles, cheveux et peau, il y a souvent du zinc dedans pour équilibrer, etc. Donc tu as été consommatrice. Et toi, Sandrine, le ça sonne bien ou tu as déjà vu dans plusieurs postes de compléments alimentaires, il y a toujours le zinc qui revient régulièrement, donc c'est pour ça. Après, j'ai quand même douté un peu avec le bêta-carotène, mais je me suis dit bon, c'est plus quelque chose qui va accélérer un peu le bronzage, un petit booster. Donc, je suis restée sur le zinc parce que vraiment, ça me parlait en tête, en fait. Bah, bien joué. Il y a aussi Astrée qui avait vu juste, qui a proposé aussi. Et pour info, la vitamine E, elle va souvent être utilisée comme hydratant pour la peau. Le zinc, du coup, apporte une résistance aux cheveux et permet sa croissance. Troisième affirmation. Je vais vous proposer trois affirmations sur l'upcycling. Il y en a une qui est fausse. L'upcycling, c'est le fait de recycler un matériau par le haut, entre guillemets, pour créer un nouveau produit de qualité supérieure. L'upcycling, c'est un mot anglais dont la traduction est recyclage. L'upcycling, c'est une pratique écologique qui s'inscrit dans l'économie circulaire. Le 2 est faux. Milo, tu es d'accord ou tu as une autre idée ? Bien joué. Du coup, non. En effet, l'upcycling, ce n'est pas la traduction anglaise de recyclage, car recyclage, c'est recycling en anglais. Et ça, c'est le fait de détruire pour reformer à nouveau le recyclage. Alors que l'upcycling, au contraire, on va prendre un élément et on va l'utiliser tel quel pour ses propriétés, mais au départ, c'est un élément qu'on aurait en fait gaspillé. L'exemple que donne souvent la marque Propis, c'est la fleur de crocus. Non, est-ce que vous connaissez cette fleur ? Elle est utilisée pour faire du safran. On utilise le pistil à l'intérieur de la fleur, du coup. Je l'ai découvert aussi du coup récemment. C'est donc le pistil qui permet de fabriquer du safran. Et dans ce cas-là, les fabricants vont en fait jeter la tige, les pétales. Et finalement, il y a de grands bénéfices dans le pétale de la fleur de crocus qui est antioxydant photoprotecteur. Donc voilà, non seulement c'est bénéfique en termes de soins visage, mais en plus, c'est un ingrédient qui n'a pas été cultivé, récolté exprès pour la fabrication de la crème. C'est en ça que c'est très écologique. Je savais pas du tout, on m'avait dit qu'on apprendrait des choses ce soir. Eh bien, je constate que, première chose, on a Nanou qui nous dit « Kikou, mesdames !» Alors, Astrée, qui participe activement au quiz, nous proposait le 3 pour faux. Désolée, Astrée, ça s'inscrit bien dans l'économie circulaire. C'est le fait de réutiliser, en fait, pour caricaturer, l'économie circulaire, ça va être le bon coin, par exemple. C'est le fait de réutiliser, d'éviter le gaspillage. Donc, on est en plein dedans avec l'upcycling. Nous enchaînons avec une nouvelle question sur les compléments alimentaires. Contre une peau à tendance acnéique, on pourra utiliser de la bardane, de la canneberge ou de l'onagre. Je vais hésiter parce que je sais que la canneberge, ça a des vertus assez, anti-inflammatoires. J'hésite entre je vais dire bardane parce que ça me parle plus, mais je suis pas vraiment sûre. J'hésite entre les deux, mais je vais dire bardane. Aïe, aïe, aïe. J'ai envie de dire la canneberge parce que ouais, c'est anti-inflammatoire et les poussées d'acné, c'est un petit peu inflammatoire quand même. Allez, Avec... tant pis, je tente. Clairement. Canneberge. Canneberge pour toi. Je vois que Astrée aussi partait sur Canneberge. Manel propose l'onagre. Et je dois dire que une de vous deux a eu bon, et c'est Milo. Ouais. Alors, je ne Non. veux pas te mettre la pression, Sandrine, mais c'est vrai qu'en Ok. septembre, c'était Milo qui avait Ok. gagné. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Voilà. Hein. J'ai pas dit mon Tout dernier à mot, fait. Jean-Pierre, et j'ai pas pris mon joker. Astrée dit, si tu fais appel à un ami, par contre, ne le fais pas avec moi, en tout cas, parce que pour l'instant, elle s'est plutôt trompée. La 2 nous proposait Nanou. Et en fait, c'était la une, puisqu'en effet, c'est la bardane qui est recommandée pour les peaux à tendance acnéique. La canneberge, pour sa part, Et sera ouais. utilisée pour les problèmes, par Ouais. exemple, de cystite ou de Ouais, c'est confort pour ça. Comme c'est urinaire. inflammatoire, parce que j'ai eu beaucoup à en prendre de la canneberge, mais du coup, je me disais que peut-être que c'est un anti-inflammatoire. Mais la bardane, ça me parlait aussi, vu que j'ai aussi le problème d'acné. Quand tu poses des questions, même des fois, quand je regarde les lives et tout, ah, mais oui, en fait, je savais, tu vois. Donc bon, écoute, ça sert quand même pour quelque chose. Nous passons donc à la cinquième affirmation. En 2021, plus de la moitié des femmes déclarent suivre au moins un influenceur Facile, beauté hein. sur les C'est réseaux moi. sociaux. Est-ce que c'est Évident. vrai ou faux? Est-ce que tu penses que plus de la Alors moi, moitié des femmes te suivent? personnellement, je ne pense pas, mais suivre un influenceur beauté, oui, je pense que Pas oui. encore, Oui. bientôt. Quand tu dis beauté, on est Milo, d'accord que qu'en ça penses-tu? regroupe tout ce qui est maquillage, cheveux, ongles. Exactement. Ouais, au minimum un, c'est sûr, je pense. Même avis du coup. Nous avons Nanou pour qui c'est vrai, Manel pour qui c'est vrai également. Alors, est-ce que vous êtes toutes trompées ou pas? Et oui, bravo. Vous diriez quel pourcentage, Plus de ça? 50%. Moi, je dirais 60, Ouais, plus de. Ouais, beaucoup plus que ouais. 200. C'est 62, bien joué Sandrine, ouais. 62. Pour les répondants de cette étude, c'est devenu une source fiable lorsqu'elles cherchent un produit précis. Pour 67% des femmes qui suivent un influenceur ou une influenceuse beauté, c'est une source fiable. Et ensuite, elles citent comme source fiable l'avis de tiers à 59% et les professionnels de la beauté à 55%, puis les publicités traditionnelles à Comme quoi, 44%. c'est fou, tu vois, le fait d'avoir vraiment une authenticité et d'avoir une communauté quand même assez proche de toi, mais ça crée vraiment une confiance entre tes abonnés et toi quand tu fais de la beauté. Enfin, du coup, Sandrine, je pense que tu crées ce lien-là avec eux et c'est cool, quoi, de pouvoir se faire confiance du coup à quelqu'un qui teste des produits, c'est génial. C'est ça, d'où l'intérêt d'être vraiment authentique et vraiment de proposer des produits vraiment qui soient, tu es sûr que déjà toi, ça va le faire, que de faire un produit pour faire un produit, il n'y a pas d'intérêt, je veux dire. Parce que tu sais que tu as plein de personnes derrière toi, que si tu dis que ce produit est bien, ils vont aller chercher ce produit-là, ils vont vouloir l'essayer parce que c'est un bon plan, parce que tu dis que c'est une bonne marque. Faire très attention à ce que tu dis et parce que tu sais que derrière, il y a une portée énorme. Non, non, ça, moi, c'est un truc, c'est un point d'honneur. J'ai déjà refusé des partenariats parce que le produit n'était pas comme je voulais qu'il soit, il répondait pas à mes attentes. Et j'ai déjà refusé de faire des publications après parce que ça n'était pas bon, quoi, pour Ouais. ma communauté et pour moi. Et bien bravo pour ça. Bah, merci. Mais ouais, ça, j'y mets un point d'honneur, vraiment. Je préfère perdre des collaborations que d'aller raconter. Oh, ça, c'est. Il y a une grande marque, par exemple, je ne donnerai pas le nom, bien sûr, qui vend des produits minceurs et ouah, c'est trop bien, avec ça on maigrit et tout. Alors déjà, ça coûte super cher, personne ne maigrit, c'est un phénomène de mode, mais tout le monde va les acheter parce qu'on a dit que c'était bien. Je ne valide absolument pas ces pratiques-là, mais absolument pas, vraiment. Et pour la beauté, pour un parfum, pour n'importe quoi, peu importe une marque, si je trouve que ça ne vaut pas ce que ça dit, non, je valide pas. Et regarde, tu fais bien puisque Nanou qui nous dit bah oui, normal, Oui, Sandrine m'influence beaucoup. Nanou est une grande abonnée à moi, qui me suit tout le temps et avec qui on partage de très très bons moments. Ouais. Et Manel également dit, il faut parfois éviter des Oui. personnes parce que c'est pas toujours vrai. Certains comptes sont peut-être Ah sont moins oui, réglo tout à sur fait. ça, quoi. Après, chacun est libre de faire comme il le sent. Moi, je respecte. Mais moi, en tout cas, je mets un point d'honneur à ça. Je n'irai pas raconter du vent parce que c'est une collaboration ou autre. Ça, non, je ne fais pas ce genre de choses. Vraiment. Il y a Merci Juju Juju. qui dit bravo Sandrine, Nanou dit yes. Est-ce que ça t'est arrivé de proposer un produit parce que toi personnellement il matche bien et qu'ensuite certains de tes abonnés te disent mais pourquoi t'as conseillé, moi j'ai pas aimé. Oui, ça m'est déjà arrivé. Alors je crois que c'était un mascara que moi je trouvais top, que j'avais essayé plusieurs fois et que j'aimais bien. Et la personne qui l'a essayé m'a dit bah ton truc il est pas plus bien que ça. Alors à ce moment-là je peux répondre que ça peut pas plaire à tout le monde. Moi ça me plaît, mais ça peut ne pas plaire à quelqu'un. Après, c'est pas non plus, j'ai pas non plus proposé un produit, on va dire, qui était vraiment nul. Sinon, je l'aurais pas proposé. Et ça, mes abonnés qui me suivent depuis longtemps le savent. Après, c'était une personne qui venait d'arriver sur mon compte et tout ça. Le produit ne lui a pas plu. Ça peut arriver, hein, bien sûr. Moi, si par exemple, moi, j'aime les fraises, puis quelqu'un n'aimera pas les fraises, on va me dire les fraises, c'est pas bon, alors que moi, j'adore les fraises. Après, je pense qu'il faut prendre en considération l'avis de tout le monde. Et c'est pas forcément négatif non plus. Moi, c'est quelque chose qui m'a fait aussi réfléchir et me dire que bon, bah peut-être que je pourrais rajouter à la fin de mon post ou de ma vidéo que chaque personne est différente et qu'il faut se faire une propre opinion déjà avant peut-être de se lancer dans un truc. Moi, je donne mon avis personnel du truc. Qui répond voilà, à ta charte, entre guillemets, comme on dit. On a tous une charte. C'est pas du 100%. Du 100%. Sandrine a dit que c'était bien. Donc, je vais kiffer parce qu'elle a dit que c'était top. Non, c'est possible que ce que je dis, ça ne plaise pas forcément à quelqu'un et que la personne me dise « bah c'est pas si bien que ça ». Bah, ok, bien sûr, je trouve même ça normal. Parce que si tout le monde disait « si moi je dis noir et tout le monde va dire c'est noir parce que Sandrine a dit noir », je trouverais ça inquiétant. Non, voilà, chacun est différent et chacun est libre de donner son avis. Et on est là pour échanger, discuter. C'est ça aussi l'influence, c'est pouvoir échanger, communiquer, dire ah bon, bah pourquoi toi t'as pas aimé ci, ah bah bon, moi je l'ai bien aimé. Voilà, enfin je veux dire, mais l'impact qu'on donne sur les gens est très important. Il faut faire très attention. Complètement. Est-ce que Milo, toi, t'as eu Moi, c'est plus reporté sur d'autres univers, mais c'est plus, par exemple, des gens qui me proposent souvent des sons et des compositions qu'ils ont fait avec certaines paroles, soit certaines vraiment sonorités, où on te demande de créer une chorégraphie ou de puber ou de, enfin, voilà. Et des fois, c'est pas du tout des choses que j'aime et c'est délicat parce que du coup, moi, j'admire quand même le travail de quelqu'un qui prend le temps et qui prend du coup le courage de t'envoyer sa composition. Et après, je vais pas non plus dire oui à tout parce que c'est soit il y a une rémunération derrière ou parce que je reste aussi totalement en accord avec avec mes valeurs et avec ce que je retranscris. Et des valeurs, ça change, on peut se tromper, on peut aussi tu vois, rien n'est figé. On peut penser quelque chose pendant une certaine période puis revenir dessus. Et je pense que c'est bien aussi de mettre à jour avec nos abonnés, de savoir quelles sont nos valeurs de temps en temps et pourquoi aussi ça a évolué. Si tant est que ça les intéresse, tu vois, mais du coup, voilà, moi je trouve que c'est super important de rester toujours fidèle à ce que tu prônes en fait. Et pas, comme dit Sandrine, tu vois, à tout prix promouvoir ceci ou cela à n'importe quel prix, quoi. Parce que, comme tu dis derrière, bah oui, t'as. Moi, c'est surtout aussi au niveau, tu vois, par exemple, de ce que je dégage, ou moi c'est à notre univers, c'est sûr que la beauté, mais surtout sur, tu vois, moi j'accorde de l'importance à la vulgarité ou des choses comme ça. Quand je vois certaines ados ou personnes plutôt, parce qu'on va pas catégoriser par genre, tu vois, mais qui ont certaines tenues ou certaines surtout attitudes dans certaines chorégraphies, ben moi je trouve ça dommage. Et du coup c'est pour ça que j'ai beaucoup j'ai tourné le doigt TikTok, je veux dire, pendant un moment j'ai arrêté de poster sur TikTok parce qu'à chaque fois que j'ouvrais l'application en fait, ben je voyais des gens me déranger qui n'étaient pas du tout en accord avec mes valeurs. Et après petit à petit je m'y remets, je poste des chorégraphies, tout simplement pourquoi, parce que ben il y a des gens qui apprennent mes chorégraphies sur YouTube et qui aimeraient avoir le lien direct avec la musique, et tu vois que ce soit beaucoup plus pratique pour eux. Donc je poste ma vidéo mais je suis moins sur l'application parce que j'ai pas envie de voir certaines choses qui me plaisent pas, et j'ai pas envie de contribuer à tout ça. Donc je mets à disposition mes chorégraphies pour ceux qui veulent le faire, mais après être témoin de certaines choses qui ne sont pas dans mes valeurs, j'évite au maximum, tu vois, de le faire. Et puis de toute façon c'est bien fait et ficelé, hein, parce que je dis ça, mais alors j'ouvre l'application, puis d'un coup tu vois une chorégraphie, tu dis ah ben ça peut être cool, et puis tu tombes sur une vidéo et trois, puis d'un coup en 10 minutes tu dis oh mon dieu, allez vite le truc. Et c'est pour ça que j'ai, tu vois, quand je dis changer d'avis, c'est que j'ai eu un moment où j'ai percé grâce à TikTok, percé entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais j'ai eu beaucoup d'abonnés grâce à TikTok au début pendant le confinement. Je suis arrivée à presque 200 000 ou 300 000 abonnés. Donc c'était vraiment ma communauté, etc. Ensuite j'ai complètement arrêté. pour d'autres raisons, mais aussi pour une question d'éthique. Et là, tu vois, j'y reviens un petit peu en me disant, oui, mais c'est pas juste pour les gens qui me demandent aussi que ce soit un moyen pour eux, que ce soit plus pratique. Et eux, c'est leur endroit où ils évoluent. Et donc, c'est cool aussi de ma part de laisser une trace et d'avoir du coup le lien direct plutôt qu'ils galèrent avec la musique, reprendre la chorégraphie. Donc, c'est juste voilà ce que je pense moi par rapport à tout ça. Et il y a Lille qui nous dit merci. Oui, elles sont top tes chorégraphies. Moi, je prends le viens comme tu es. Il y a des gens qui, tu peux avoir n'importe quelle silhouette, si t'es pas en accord avec ce que tu es mentalement, t'auras pas avoir la silhouette que tu veux, ça marchera pas en fait. Donc moi je suis là aussi pour déconstruire ça et pour dire que tout le monde peut venir et c'est surtout le fait de... Tu vois, c'est pas vraiment le culte du corps qui me dérange, c'est la manière dont le... C'est plutôt l'intention et c'est plutôt les attitudes qui me dérangent. Quand tu vois des petites minettes qui dansent et qui dansent à un niveau de fou, soit qui sont juste ont eu le courage de lancer leur caméra, ça j'adore. Mais quand tu vois qu'il y a certaines attitudes qui sont vulgaires ou qui sont... Mais à tout âge, hein, parce que bien sûr, ça me dérange un peu plus quand elles sont ados ou plus jeunes, mais même sur des gens plus âgés, je trouve que c'est super de prendre conscience dans son corps et tout avec de la vulgarité ou pas. Mais avec classe, je trouve que c'est un peu plus mon credo. Et des fois, quand je vois que la requête principale sur YouTube, c'est Super My Go Twerk, je me dis, je crois que les gens, ils n'ont pas compris. Pas du tout le twerk. Mais du coup, voilà, c'est juste que je respecte tout le monde. Mais moi, je trouve ça, de mon point de vue, un peu dommage. Et c'est le seul truc, tu vois, qui me freine un petit peu dans mes valeurs. C'est que, voilà, j'aime quand... Quand on est un petit peu pas dans une spirale de je dois montrer mon corps d'une certaine manière pour pouvoir exister. Pas forcément le culte du corps, c'est la manière dont tu aimes. C'est comme tout en fait, c'est l'intention qu'il y a derrière qui compte. Voilà. Il y a d'autres manières aussi, bien sûr, de danser, mais, d'extérioriser. Il y a des trucs sexy quoi. Qui sont hyper classe, qui sont super beaux et que j'adore vraiment, même si moi je ne lance pas et tout. Mais là, tu as la vulgarité vraiment où tu te dis, mais en fait, c'est vulgaire pour être vulgaire et c'est du jugement complètement et je suis désolée. Mais c'est vraiment ça qui me... Et bon, tout ça pour dire que quand je swipais sur TikTok et je voyais des jeunes... limite où t'as leurs parents derrière qui les encouragent à vraiment à moitié nus en train de se trémousser par terre et tout et t'es là tu te dis mais et puis t'as le père qui est derrière qui fait ouais et tout t'es là mais ah ouais je suis tombée sur ça moi ça m'a vraiment ça m'a j'ai fait volte-face avec TikTok je me dis waouh et je dis donc j'amène des gens sur cette plateforme et des jeunes gens qui voient des choses comme ça et vraiment je me suis vraiment remis en question hein. Et puis après du coup j'ai un peu adouci mon discours en me disant bon il faut aussi que vivre avec sa génération sans cautionner tu vois et puis ne pas faire une généralité de tout et savoir qu'il y a des gens aussi qui sont assez intelligents pour faire la part des choses et que à notre époque aussi il y a des choses qui devaient révolter les générations plus âgées tu vois donc bon il faut aussi relativiser mais surtout ne pas tout diaboliser faire attention mais pas tout diaboliser non plus. Puis t'es pas totalement responsable de tout ce qui se passe sur le réseau et j'empêcherai pas les gens d'y aller et travailler quoi ça c'est pour ça que je me dis si les gens veulent, à partir de mes chorégraphies, de mes tutos, se poster sur TikTok, ils vont le faire de toute manière. Tu vois, je ne vais pas les empêcher, et je ne vais pas boycotter TikTok à ce point-là. Et je me suis dit, bah, autant faciliter les choses. Et tu vois, mais je ne suis plus dans la course à me dire, là, avec 300 000 abonnés pratiquement, je fais des vidéos à 200 vues. Mais je me fiche complètement parce que je me dis, en fait, je mets juste mes vidéos là. Voilà, elles sont là et vous pouvez les cliquer dessus pour pouvoir prendre la musique directement. Et je ne me dis pas, oh là là, j'ai fait que 200 vues, mon Dieu. C'est... Non. C'est fou ça. Par contre, maintenant, si tu passes de façon trop espacée sur TikTok, tu peux avoir une vidéo qui fait que 200 vues. Mon réseau préféré, on va dire, c'est Instagram. Et YouTube, je le mets vraiment dans une case à part. YouTube, c'est un autre... YouTube, c'est plus là où j'enseigne, tu vois. Et Instagram, c'est là où je partage vraiment plus intimement, on va dire, avec les abonnés. Mais si tu veux... TikTok, c'est pas du tout le même public. T'as un public sur Facebook, t'as un public sur Instagram, t'as un public sur TikTok, t'as un public Twitter. Et sur TikTok, c'est vraiment du fast-food. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on t'aime, la vidéo d'après, tu n'existes plus. C'est ça. Ouais, je suis entièrement d'accord. Mais c'est une façon de voir les choses. Et c'est juste que moi, j'aime le lien, j'aime suivre les gens, j'aime donner de l'importance aux gens qui me suivent. Parce que putain, le gars ou la fille, elle a pris le temps de m'écrire un commentaire, tu vois. Et je me suis rendu compte que sur TikTok, c'est beaucoup les gens. Il n'y a pas d'interaction forcément, en fait. Les gens sur TikTok, ils aiment ta vidéo, ils vont liker ta vidéo, ils vont s'abonner dans la foulée, ils vont pas chercher à comprendre d'où tu sors ce que tu as fait avant. Ils aiment la vidéo, ils s'abonnent, ils likent, tu les revois plus. Ça, et j'ai aucun problème avec ça, c'est juste que du coup, TikTok a fait en sorte que comme ils ont compris que les gens ne vont pas voir sur qui ils vont s'abonner, en fait, tu es lâché dans un flux de vidéos Ouais. avec des gens abonnés à C'est toi. ça. Donc, tu vois, et les gens qui sont abonnés à toi ne voient pas tes vidéos. Donc, en gros, après, je ne blâme pas du tout l'algorithme. Certainement que j'ai beaucoup lâché, j'ai pas assez posté. Sûrement aussi que mon contenu n'est pas assez qualitatif par rapport à ce que le public de TikTok attend. Peut-être pas qualitatif, mais pas dans les attentes de TikTok. Mais tu vois, j'ai complètement lâché ce truc de. Parce que c'est devenu vraiment. Enfin, on divague un peu, je suis désolée, mais c'était devenu un moment très, très toxique pour moi. Hein, vraiment, hein, c'était devenu mon Dieu. J'ai pas fait de vues et mon Dieu, mais ah, comment je vais faire? Et maintenant. Ouais, maintenant j'ai lâché complètement et je me dis en fait, depuis que je fais des stages et j'ai trop hâte de te rencontrer du coup en stage, c'est là, quand tu es sorti du Covid, tu vois les gens, tu vois le regard de quelqu'un qui se dit waouh, j'ai kiffé, j'ai lâché prise, je me suis regardée dans le miroir, je me suis trouvée belle, ou j'ai lâché, j'ai pas pensé une seconde à comment je me trouvais, si j'étais nulle, si j'étais bien. Et si je me dis, mais c'est ça que j'aime en fait, c'est cette étincelle dans les yeux. Et quand tu dis les yeux, ben en fait, c'est en vrai, c'est en live. Pour moi, les réseaux, c'est un moyen, si tu veux, de promouvoir ce que je peux apporter dans un cours à quelqu'un. C'est la manière de. C'est ma fenêtre. Je peux regarder ce qu'on fait dans mon cours ou dans le cours des autres, tu vois, mais regardez ce qui se passe, regardez comment on éclate. Venez, venez danser, venez voir que vous êtes capable, quoi, tu vois. Et c'est juste les réseaux, c'est ma fenêtre sur ça. C'est un outil de comme tu as dit, de promotion, de communication pour attirer vers la Ouais, vraie exactement, activité, on c'est va ça. dire. Et j'ai hâte et j'espère avoir la chance de côtoyer au moins. Enfin, je dis 80%, mais c'est mon rêve. Mais 80% des gens qui ont une fois cliqué sur une vidéo, c'est j'ai vraiment envie que du professionnel jusqu'à. Enfin, il y a une maman qui. Enfin, une maman. J'étais au restaurant et une dame qui me dit, oui, vous êtes super Milo. Alors, je sais, tu te reconnais sur. Oui, c'est moi. Et elle me dit, bah, on a passé. Vous savez pas, mais on a passé tout dimanche après-midi ensemble. Ah là là, il y a les 18 ans de ma fille. Elle m'a dit de pas lui faire la honte. Alors, j'ai tapé sur Internet. Je suis tombée sur vos vidéos. Et tu vois, c'est ça que j'aime. C'est créer des moments de partage. C'est que de me dire que. Il y a des gens avec leurs filles ou avec leurs fils, ils regardent les vidéos, ou tu vois, et des copines, une soirée, elles se sont dit, tiens, on va mettre une vidéo, elles sont tombées sur ça, et elles ont kiffé. Et j'ai envie de voir ces gens-là en cours, et des gens qui n'ont jamais osé aller prendre un cours de danse et leur dire, mais venez, en fait, venez, venez danser, quoi. Manel nous dit t'es génial. Astrid disait j'aime bien tes chorégraphies Merci. parce qu'elles sont ultra dynamiques, ça met de la bonne humeur. Ouais, c'est ça. C'est votre grand point commun à toutes les deux, je pense. Ouais. Enfin, un des. C'est côté très, voilà, très bonne humeur, bonne C'est ambiance. important, c'est important. Sandrine, toi, par contre, c'est ton activité. Enfin, parce qu'on disait, ça, les réseaux peuvent être un outil de promotion. Toi, aujourd'hui, c'est ton activité principale de transmettre tes connaissances Oui. et tes Alors moi, découvertes ça sur les fait à réseaux. peu près un mois et demi que j'ai décidé de me lancer entièrement à ça. Donc je me consacre du matin jusqu'au soir à mes réseaux sociaux. Donc j'ai les trois, hein. J'ai Instagram bien sûr où j'ai le plus d'abonnés. Je suis sur TikTok également où j'ai à peu près 5 600 abonnés. Donc vraiment pas beaucoup, mais ça monte tout doucement. Et puis YouTube, ça fait 4 mois et je suis presque à 1 000 abonnés là. Donc c'est toujours la beauté, mais par contre, chaque plateforme est différente et chaque plateforme a son public. Je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est que Instagram, on va avoir un public bien spécifique. TikTok, c'est encore un public bien différent. Bien souvent, c'est plus des jeunes qui vont me suivre sur TikTok. La moyenne d'âge, ça va être entre 16 et 24 ans. Sur Instagram, ça va démarrer à 16, mais ça va s'arrêter à 60, 65 ans. Et sur YouTube, ça va être des très très jeunes, hein, parce qu'il y en a qui ont 13 ans, hein, clairement, et puis même voire moins. Et là, alors je crois que le plus vieil abonné que j'ai, entre guillemets, hein, personne n'est vieux, oulala, oulala, je vais m'attirer les foudres, je crois qu'il a 80, 85 ans, je crois. C'est une dame d'ailleurs, il me semble. Chaque profil est différent, c'est intéressant, mais j'avoue que c'est quand même Instagram qui reste ma plateforme préférée également. Parce que, et je la rejoins également dans ce qu'elle dit, j'aime ce qui est classe et chic. On peut transmettre beaucoup d'informations sans aller dans la vulgarité. Par exemple, dans la beauté, on peut proposer des soutiens-gorge. Alors, vous en avez qui vont faire des partenariats pour des soutifs. Et puis, moi, je suis désolée, hein, quasi à poil pour montrer son soutif. Non, on peut rester classe et chic et montrer un très beau soutien-gorge sans tomber dans la vulgarité. Ça, c'est quelque chose que je cautionne pas trop non plus. Après, chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de points communs, toutes les deux, oui. Tu peux être juste à moitié à poil et être super classe. Enfin, j'ai des copines aussi, tu vois, qui sont mises à promouvoir même des jouets pour adultes, enfin des sextoys et tout. Et c'est tellement démocratisé parce qu'aujourd'hui, on tombe, enfin, on. on essaye de d'enlever ce tabou, etc. Et tu vois, c'est je trouve ça cool aussi. Donc c'est, ouais, c'est vraiment l'intention, comme rejoint, enfin je rejoins Sandrine, c'est l'intention qui fait que ça... C'est comment c'est porté, c'est comment c'est amené devant les personnes. On voit quelqu'un qui est là pour de la provoque et qui est là pour attirer un public, pas forcément, voilà. Et on voit quelqu'un qui essaye de vraiment vendre quelque chose ou de proposer quelque chose à sa communauté. C'est pas du tout la même chose. Enfin, j'arrive à différencier ça. Et il y a des choses, des fois, ça me choque. Sur certaines plateformes, c'est choquant. On va sur TikTok, on peut voir du porno H24, hein, malgré les filtres. On va sur YouTube, c'est autre chose. Et sur Instagram, des fois, vers une certaine heure, c'est pareil. On commence à tomber sur des trucs un petit peu louches, sachant qu'il y a des ados, des enfants qui y sont aussi, il n'y a pas que des adultes. Hein. Bon, je trouve ça un peu limite, mais bon, voilà, ça fait partie du truc. Hein. Les dérives, ouais, dur de tout contrôler. Et en parlant de points communs, là, je vois que donc Astrée nous dit « Moi aussi, je viendrai au cours de danse samedi prochain. Si j'arrive à danser, je serai l'exemple que tout le monde peut y arriver. Ha, » ha. Et Lily lui dit « Astrée, pareil pour moi. » Donc oui, c'est un vrai challenge de trop bien. Aux gens que tout le monde peut danser. Vraiment, je suis trop contente. Là, je voulais pas me tromper sur les points. Vous avez bon toutes les deux pour la cinquième. Les créateurs de contenu se positionnent bien loin devant l'avis des tiers. Les produits, tu as souvent des gens qui laissent des avis. Et puis en plus, en général, tu parles de produits qui correspondent à... Enfin, tu as une expertise, puisque t'es ciblé, tu te niches sur un, voilà, un secteur en général. Il y a la confiance qui s'installe. C'est sûr que c'est tout le temps beauté, beauté, beauté. Tout ce qui va avec la beauté, si demain je commence à parler whisky, c'est qu'il y aura un truc qui va plus. Ça sera plus du tout crédible. Alors, j'aime bien boire un petit whisky, mais ça n'ira pas avec le reste, en fait. Et je pense que c'est ça aussi sur le long terme qui s'installe, le fait d'appliquer les produits en vidéo, de montrer les faits. Je pense que la confiance, un, deux, trois, s'installe là aussi. Que par exemple, Mamie Ginette, si elle parle bien, oh, la crème, elle est bien. Oui, mais Mamie Ginette, je t'ai pas vu tester la crème. Alors, je sais pas trop. Bon, je vais plutôt écouter elle parce qu'elle me parle bien. Donc, voilà. C'est vraiment la nouvelle façon de communiquer, du coup. Alors, sixième affirmation, dernière, du coup, de cette première partie. Je rappelle que... Mais Milo, c'est un sans faute pour l'instant. Alors, 3 pour Sandrine, ce qui est plus de la moyenne pour le moment. Alors, dernière affirmation. C'est les 2 ans de beauté imaginée. Donc, comme j'aime bien tous les symboles un peu de chiffres, j'étais obligée de faire une affirmation avec, enfin, une question avec des deux. Je vous propose 3 affirmations. Il y en a encore une qui est fausse. En 2022, la France a exporté pour 2 milliards d'euros de produits cosmétiques. L'Oréal vient de racheter une marque australienne, Aesop, valorisée à 2 milliards de dollars. Toutes les 2 minutes dans le monde, une cica crème de la marque française Uriage est vendue. Je pense que c'est celle-ci qui est fausse. Je pense que c'est la première qui est fausse. Parce que les deux autres, c'est fort probable. 2 milliards, c'est beaucoup quand même. Mais comme c'est une valorisation, c'est pas sa valeur, c'est sa valorisation, c'est pas pareil. Astrée nous dit 3, la troisième est fausse. Alors Astrée, je pense que c'est un total faux depuis le début, désolée. Nanou nous propose la 3 aussi, désolée, ce n'était pas la 3. Et c'est bien, vous avez eu raison les filles, c'est bien la première. La France n'a pas exporté 2 milliards d'euros de produits cosmétiques, non? Vous diriez combien? Peut-être quand tu vois le nombre de Françaises, le nombre de consommations, rien que moi je suis pas je me maquille, tu vois, mais je suis pas une très grande consommatrice. Je me dis qu'il y a moyen que ça peut être plus. Oui, c'est plus. Et je vois que Samuel nous demandait, je n'ai pas entendu la question. Salut Samuel. Samuel qui est l'expert qui m'a donné les questions sur les compléments alimentaires. Merci. Merci. La question, c'était pour les... Du coup, il y avait 3 affirmations et il y en avait une seule qui était fausse. Première affirmation, la France a exporté pour 2 milliards d'euros de produits cosmétiques en 2022 et c'est faux. Par contre, L'Oréal vient bien de racheter une marque australienne Aesop, valorisé à 2 milliards de dollars. C'est donc une marque de luxe qui appartenait jusqu'à présent, pour info, au groupe brésilien Natureco, qui a Body Shop. La troisième affirmation qui est vraie aussi, c'est toutes les 2 minutes dans le monde, une cica crème de la marque française Uriage est vendue. C'est une crème réparatrice qui a connu donc un grand succès. Une crème toutes les 2 minutes, ça veut dire qu'il y en a 720 vendues par jour, 270 000 par an en moyenne. En effet, c'est pas 2 milliards d'euros de produits cosmétiques exportés à l'étranger, 19 milliards en 2022. Donc en effet, c'est un des principaux secteurs sur lequel la France exporte. Donc, c'est un gros potentiel. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de marques et que c'est intéressant pour elles de se positionner sur l'exportation aussi. Ce qui nous fait un total pour cette première partie de 4 sur 6 pour Sandrine, et de 6 sur 6 pour Milo. Waouh. Alors, nous passons du coup à la deuxième partie. Les auditeurs t'imaginent. Un classique de Beauté Imaginée, puisque, chers auditeurs, dans Beauté Imaginée, on est toujours à visage caché. Je vous fais systématiquement deviner plusieurs infos sur mon invité. Le format audio permet de faire travailler l'imaginaire. C'est la même chose aujourd'hui, mais en mode compétition cette fois-ci. Donc, chers invités, chacune à votre tour, vous allez deviner, pour deux anecdotes, laquelle appartient à votre adversaire et laquelle m'appartient. Okay. Première affirmation, c'est Milo qui va deviner. Le dernier produit cosmétique que j'ai acheté, c'est la mousse de douche Rituals Cosmetics et le soin huile de corps en mousse. Le dernier produit cosmétique que j'ai acheté, c'est le gommage visage de Endro. Alors, Rituals, je connais, mais Endro, je ne connais pas du tout cette marque. Le premier pour toi et le deuxième pour Sandrine. Moi, j'ai acheté la mousse de douche et l'huile de corps de Rituals. Et Sandrine a acheté le gommage visage de Endro. Sur le change. Donc, moi, j'ai acheté le gommage visage de Endro. Je ne sais pas si Sandrine était en train de te dire « Cool, elle s'est trompée !» Tu as bien rectifié. Bravo, Milo. Cool. Alice, t'imagines pas acheter deux produits, ça, c'est des produits coup de cœur. Je t'imagine acheter un produit de tester d'une marque qui n'est pas trop connue parce que tu as envie de tester plein de trucs. Je ne sais pas pourquoi. Je t'imagine plus comme ça. Alors, c'est vrai que Rituals, du coup, n'est pas forcément sur le créneau sur lequel je suis. Donc, je trouve leurs produits très sensoriels. Hein. J'aime bien aussi l'ambiance dans les magasins. Mais dans Beauté Imaginée, je suis axée plutôt cosmétique naturelle. Donc, en effet, Endro Cosmetics fait partie des marques que j'ai interviewées récemment et que j'aime beaucoup. Donc, j'ai testé le gommage visage. Et toi, Sandrine, qu'est-ce que tu en as pensé de ces produits-ci de Rituals? C'est une marque que j'adore, vraiment. C'est une marque, j'adore aller dans les magasins, j'adore tester les produits et c'est vraiment des produits extra. Il n'y a pas trop de comparaison. Ces produits-là sont extra, vraiment. Vraiment. C'est sensoriel, ça sent bon. On a pris notre douche, on sent encore quelques heures après et j'exagère pas. Les gommages sont extraordinaires. La peau, il se passe quelque chose avec Rituals. Hein. J'adore. Et puis, ils ont vraiment travaillé cette ambiance. On est tout de suite pris en main si on le souhaite pour avoir un petit gommage, un petit soin des mains. On peut sentir les produits, les découvrir. Vraiment, je trouve... Et puis, quand on rentre déjà, ça embaume les produits Rituals dans le magasin. Tout de suite, on se sent bien. C'est un endroit que j'adore aller voir, les nouveautés ou autres, faire des vidéos. J'y suis souvent, d'ailleurs, dans celui d'Amiens, faire ma petite vie et tout. Et là, ils ont sorti la nouveauté. Il fallait que je la teste. J'ai pas été déçue. Hein. La rose, vraiment top, top. Alors, j'ai testé des centaines de gommages corps, visage et tout, mais là, Rituals, c'est une marque vraiment, ça fait partie de mon top 5. Hein. On sent la passion. Rituals, là, c'est un domaine, je ne peux pas dire de mal de Rituals. Je kiffe Rituals. Et toi, Milo, qu'est-ce que tu m'avais répondu? Le sérum vitaminé de la Canopée. Parce que, du coup, grâce à toi, j'ai découvert les produits de chez Cocoré Cosmétiques, que j'adore vraiment, même les deux fondateurs, je les adore vraiment. Ils mettent des petits commentaires, des petits likes à mes vidéos et tout. J'adore les petits mots qu'ils mettent dans les produits quand ils te les envoient et tout. Bref. Et j'ai pu tester, du coup, plusieurs marques dans le petit pochon qu'ils m'avaient offert, dont cette crème de la Canopée. Déjà, grâce à toi, Alice, j'ai pu... Parce que moi, c'est pas que je prête pas attention aux cosmétiques. C'est juste que moi, tu vois, une crème hydratante, c'est une crème hydratante. Je vais pas forcément chercher ses bienfaits, ce qu'elle me fait sur la peau. Mon mascara, c'est chez Sephora ou je sais plus. Enfin, tu vois, j'ai des marques vraiment basiques. Et j'ai jamais pris le temps d'aller chercher les marques françaises ou les marques qui font attention. Enfin, je fais attention, tu vois, mais j'avais pas pris le temps. Et depuis que j'ai découvert tes podcasts et tes lives, je fais vachement plus attention. Et du coup, en fait, tu m'as mis dans la main les produits. Et maintenant, je suis en mode, maintenant, je change complètement ma manière de consommer. Et du coup, tu vois, je me suis dit, cette crème, j'ai adoré le fait que ce soit fabriqué en France. Le fait que ce soit le distributeur Cocoré Cosmétiques que j'ai vraiment accroché avec les deux fondateurs qui, je trouve qu'il y a une dimension humaine, à taille humaine dans leur entreprise. Donc, c'est vraiment ça que j'aime beaucoup. Tu vois, faire travailler plus local et les petites entreprises familiales, je trouve que c'est beaucoup plus important maintenant. Peut-être que c'est l'âge qui fait ça, que je m'assagis. Mais j'ai complètement changé Une grande partie, je ne peux pas dire toute, mais une grande partie de ma consommation en général. Ah, là, je suis trop contente. Ouais, c'est un autre débat encore, mais je ne mange plus trop de viande, voire plus. Mais je n'aime pas des étiquettes. Donc, quand on dit, oui, t'es vegan, t'es végétarien, j'aime pas les étiquettes. C'est juste que voilà, je ne mange pas de viande parce que j'en ai pas envie et je ne me prive pas. Je me dis toujours, je me laisse le bénéfice de me dire, bah, tu vois, moi, je me dis, bah, si j'avais envie de foie gras, peut-être que j'en mangerais. Et en fait, le fait de ne pas me dire ne pas. Bah, mon cerveau fait le choix et me dit est-ce que j'en ai vraiment envie, est-ce que ça vaut vraiment la peine. De temps en temps, quand je goûte un truc, je me dis non, ça vaut pas la peine. Pour toutes les informations maintenant que j'ai, ma consommation est plus en pleine conscience. Et tu fais partie des gens qui, du coup, qui m'ont aidé à contribuer, qui ont contribué plutôt à ce mode de vie qui est en train de s'installer en moi. Et bah c'est, ça fait grave plaisir, c'est un beau message là, pour mes 2 ans, merci. Trop cool. Ouais, mais et c'est vrai que pour avoir senti du coup la crème multivitaminée, elle sent vraiment ça sent vraiment le la bonne humeur. Je te jure, moi j'étais pas du style, enfin j'avais une crème je sais plus comment c'est, tu sais, mais cette marque où ils ont tu sais le truc rouge là que tu mets sur ta peau et ça fait un ordinary. Et j'ai adoré vraiment. Mais du coup, tu vois, quand j'ai fini mon truc et en même temps, j'avais du coup parallèle, ça se coupait bien, testé les produits que m'ont envoyé Cocorico Cosmétique. Et du coup, je me suis dit, en temps normal, je me serais dit, je vais prendre une crème vite fait, là, même des fois ma crème pour le corps là. Et je me dis, tu sais quoi, je vais faire. Ça me fait plaisir de leur acheter un produit, ça me fait plaisir de faire fonctionner leur truc, ça me fait plaisir pour la canopée qui du coup que ça a été produit à Grasse, tu vois, ça m'a fait plaisir de me dire que j'ai contribué à quelque chose qui est local. Et je me dis que les prix en fait sont pas forcément plus chers que si j'avais acheté un produit chez une grande marque de distribution. Et du coup j'étais en mode ouais, c'est cool. Ça fait plaisir une fois qu'on se rend compte que la consommation qu'au départ on peut un peu, on consomme beaucoup, on surconsomme dans notre culture, dans notre société. Donc quand tu peux orienter ça en te disant au moins il y a un sens derrière, il y a pas de culpabilité. Mais ouais, mais complètement. Mais tu vois, juste consommer sur tout type de consommation, même pour les vêtements. Enfin, autant te dire que là je suis, ça c'est Vinted et tout. Alors j'ai eu des très mauvaises expériences avec Vinted aussi, mais c'est juste pour dire juste. Consommer en pleine conscience. T'es pas obligé de consommer en pleine conscience. Pour moi, ça veut pas forcément dire que tu dois toujours penser que t'as fait une bonne action. C'est juste que le jour où tu manges de la viande, ou si t'as décidé de plus en manger, le jour où tu achètes une paire de baskets chez Nike, mais juste en fait, t'en es conscient et tu dis, ça m'a fait plaisir. Je l'ai fait parce que ça. Et tu sais faire attention. C'est pas linéaire, hein. Enfin, moi, j'ai pas envie de rentrer dans un mode de vie drastique et vraiment, zéro écart, etc. Peut-être que ça deviendra, mais j'ai pas envie de me forcer à devenir. J'ai envie que ça devienne naturellement et pas parce que je me suis forcée à devenir d'un coup. Oui, faut garder le côté plaisir, sinon en fait on vit. Et c'est comme ça que tu deviens frustrée, c'est comme ça que les gens qui font des régimes pètent un câble et du coup tu manges toute la. Même pas, je parlais des gens, mais moi, et tu manges toute la tablette de chocolat parce que tu dis merde, fou, tu m'en foutu. Et c'est comme ça que tu vois que tu te frustres et la frustration, on sait très bien que c'est pas bon quoi. J'enchaîne avec la. Deuxième affirmation, c'est Sandrine qui devine. Ce qui me motiverait à acheter un produit cosmétique naturel, c'est son processus de fabrication, son lieu de fabrication, son impact sur ma santé. Ce qui me motiverait à acheter un produit cosmétique naturel, c'est sa composition sans ingrédients controversés, une composition qui aura donc moins d'impact sur ma santé et sur l'environnement, et la dimension économique d'un produit fabriqué en France compte aussi. C'est pas facile, j'avoue. Je dirais que pour les trois premières, c'est Milo. Et après, c'est toi. Bien joué, Sandrine. Pas facile parce que même moi, j'ai le doute. Ça se rejoint, donc c'était pas facile. Disons que moi, j'ai commencé ma première réponse, je dirais, c'est le côté ingrédient controversé. Mmh. C'est un peu mon obsession première, on va dire. C'est peut-être cliché, mais c'est surtout la manière dont ça a été testé, la manière dont ça a été... Tu vois, quels ont été les procédés pour arriver à leur produit à la fin, quoi. Et Astrid dit, Sandrine est défavorisée, beaucoup plus difficile. Ah oui, parce qu'Astrid a choisi la team Sandrine. Oui, c'est... Ouais. Enfin, j'avoue. Sur celle-là, j'avoue, c'était pas évident. Nous continuons. Oh. Bravo en tout cas, Sandrine. Milo devine cette fois-ci. Ma marque de maquillage préférée, c'est Too Faced. Ma marque de maquillage préférée, c'est sans hésitation, la première Sandrine et la deuxième, toi. Est-ce qu'on a des propositions? Bravo, on dit à Sandrine. Bien joué, Milo. Non, mais là, Milo, c'est incroyable. Too Faced pour Sandrine, qui est donc, je fais un petit point, mais Sandrine le fera peut-être mieux que moi, est une marque américaine née en 1998 et dont le positionnement est d'associer l'espièglerie au glamour avec des formules innovantes et performantes. Elle appartient au groupe Estée Lauder. C'est exactement ça, Sandrine. Les packagings sont de ouf. Le maquillage est de ouf. Je valide. Bon, un petit peu cher, cela dit, mais bon, ça vaut quand même le détour. Acheter pendant les soldes, par exemple. Okay. Ça vaut le coup. Mmh. Bonne tenue, et excellente tenue, pigmentation, coup. Les palettes. Oh, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Le mascara, alors, le Better and Sex, mieux que le sexe. Alors, c'est bon. Peut-être pas mieux, mais c'est quand même pas mal. Hein. C'est vraiment top. J'adore cette marque. Ça recouche un petit Milo. Peu des bouloches, mais le packaging est incroyable avec les petites gouttes d'eau et tout. Ouais, je le trouve incroyable aussi. Ouais. Moi, j'aime bien le waterproof. J'achète pas le waterproof, mais le rose classique, je l'adore. Ah ouais. En deux passages, on a l'impression que tu as mis des fossiles. C'est incroyable. Incroyable. Ouais, je suis d'accord. Justement, Milo, toi, tu avais répondu à Sephora. Parce qu'en fait, tu vois, mais justement, j'adorais le Better Than Sex, je l'ai adoré. J'ai chez Benefit aussi, j'ai acheté, je sais plus exactement comment il s'appelle, mais The Real, je crois qu'il s'appelle. Pas Benefit qui fait ça, mais je sais plus. Mais en gros, c'est ils sont vrais pour dire que ça fait des fossiles. En fait, je me suis rendu compte que Sephora avait d'excellents produits qualité-prix. Et que j'étais plus prête à mettre autant d'argent dans du maquillage parce que, en tant que danseuse et surtout sur les réseaux, je me maquillais beaucoup. Je, beaucoup moins maintenant, mais je me maquillais beaucoup. Et en fait, tu te rends compte que tu passes un argent fou. Et moi, j'avais du coup envie de dépenser mon argent ailleurs. Et je respecte totalement ceux qui dépensent leur argent dans ça. C'est cool, mais je crois qu'on a tous, tu vois, des préférences. Et moi, pour moi, c'était pas une priorité. Et quand j'ai découvert que les produits Sephora faisaient bien taf aussi, sur l'eyeliner notamment en liquide que j'adore, et sur le mascara, je n'ai plus le nom du mascara, mais du coup, voilà. Donc j'ai hâte de pouvoir, parce que j'ai testé les crèmes et tout naturel, mais du coup, chez Coco Cosmétiques, j'ai vu qu'ils faisaient aussi des mascaras ou des choses comme ça. Je suis un petit peu moins curieuse, on va dire, immédiatement, mais j'ai hâte de tester, tu vois, des marques qui proposent des maquillages plus éthique et plus locaux, quoi. Vous connaissez pourquoi? Moi, je connais. J'ai déjà testé leur mascara, ouais. Justement, qu'il faut mouiller avant d'utiliser, ouais. D'ailleurs. Il y a une petite particularité, le mascara, c'est-à-dire qu'avant de l'utiliser, il faut un petit peu mouiller la brosse, ensuite l'insérer et seulement après l'utiliser. Pour la première utilisation, c'est le petit truc à savoir pour pomponne. Après, je n'ai pas testé de rouge à lèvres, tout ça, mais moi, je suis très, très rouge à lèvres, donc ça m'intéresserait forcément de tester cette marque en rouge à lèvres, ouais. Et du coup, leur principe, c'est qu'ils, ce sont deux pharmaciennes qui ont créé cette marque, donc française, et elles essayent de... il y a toujours une action soin dans le maquillage. Donc, par exemple, pour le rouge à lèvres, on est sur un soin comme un baume à lèvres, en fait. Et pour le mascara, on est sur un booster de cils. C'est pour ça que j'aime beaucoup leur concept. Et bonne astuce, du coup, pour le mascara, parce que je l'ai et je n'avais pas... Mais tu dis c'est pour la première utilisation. Il faut mouiller la brosse et ensuite, on s'en sert normalement. Mais c'est le petit truc à savoir, en fait. Et ce qui est top, c'est vrai, c'est qu'on joint l'utile à l'agréable avec cette marque puisqu'elle fait soin et puis elle fait son job, quoi. Donc, ça, c'est cool. Bon concept innovant. Donc, Sandrine, tu devines. Voici les deux affirmations. À mes 18 ans, mes cheveux ont été de 3 couleurs différentes en un mois. Quand j'étais petite, je me suis rasé les sourcils parce qu'on se moquait de moi à ce sujet. Je dirais que Milo avait 3 couleurs de cheveux et que tu t'es rasé les sourcils. Samuel dit, j'aime bien le concept pour pomponne. Samuel dit, Alice l'a 1, je dirais. Et en effet, désolée Sandrine, c'est moi les cheveux. Je me suis fait avoir. Pour l'anecdote, voilà, je faisais des mèches depuis plusieurs années chez le coiffeur. J'ai voulu retrouver ma couleur naturelle. J'ai donc décidé par moi-même de faire une coloration châtain sur donc les mèches plutôt blondes et qui en fait est devenue trop foncée. Donc je me suis retrouvée quasiment brune. Et pour revenir à du plus clair, il faut d'abord décolorer. Donc là, ça tourne presque au orange. Et une fois qu'on a décoloré, il faut refaire une coloration châtain clair. Donc voilà, ça a été un petit... pas un traumatisme, mais c'est vrai que du coup, depuis, je suis restée sur... une expérience capillaire inouïe, on va dire. Dans nos expériences malheureuses, les cheveux, ça revient souvent. Milo, toi, du coup, mais attends, les sourcils. Mais attends, du coup, parce que je dis ça, j'ai vu ma famille et ça, ils m'ont dit, mais tu l'as pas déjà dit ça dans l'émission? Je crois pas. Ah oui, voilà. Si. Oui, Bon, écoute, mais c'est pas grave. Une bonne mémoire dans mon entourage. Oui, bah, toi, j'avais déjà raconté, mais en gros, je crois que j'étais au CM2, donc 11 ans, et j'avais des sourcils assez épais, et tout le monde se moquait de moi, quand bien même, enfin, quelqu'un un jour a dit, on regardait le Grinch à la télé, tu sais, ce bonhomme vert, et puis mon ennemi juré, tu vois, il s'est levé, il a dit, regardez, il y a Laura à la télé. Et du coup, tout le monde m'appelait le Grinch. J'en rigole maintenant parce que vraiment, c'est plus du tout un traumatisme, mais vraiment, écoutez, on était que des filles à la maison, et puis j'ai vu le rasoir qui traînait dans la salle de bain d'une de mes soeurs, certainement, puis d'un coup, j'ai fait d'un côté comme ça, de l'autre comme ça. Je me suis pas blessée, heureusement, mais bon, je me suis retrouvée fort dépourvue lorsque la bise fut venue. Ben, en gros, je me suis mise à pleurer, je pleurais dans mon lit, et ma mère disait « à table !» Et puis, je descendais pas, et du coup, elle est montée. Et si tu veux, donc j'étais en train de pleurer, puis j'avais un lit en hauteur, donc elle avait vraiment sa tête à ma hauteur, et puis moi, j'avais la tête dans la couette, je pleurais. Elle me dit « mais qu'est-ce qui t'arrive ?» et tout, et je dis « tu peux pas comprendre, c'est trop grave ce qui m'arrive !» Alors ma mère qui commence à devenir verte, violette, je dis « mais allez, on t'a tapé ?»« Non, c'est pire que ça !» Oh là là, ma mère, elle s'est tout imaginée, on t'a touché, tout ça, tu peux me dire, tu peux tout dire. Ma mère s'imaginait tellement de trucs énormes que lorsque je levais la tête, parce qu'elle me dit « mais dis-moi ce qu'il y a !» Mais t'as pleuré limite aussi, je lui dis « mais ça !» Et elle me regarde, elle me dit « mais quoi ça ?» Je prends son doigt et je dis « mais ça là !» Elle m'a attrapée de soulagement, elle s'est mise à rire, mais silencieusement, c'est-à-dire que moi j'étais comme ça, je chantais comme ça qu'elle rigolait, tu vois. Et quand le pire, c'est pas le pire, mais le plus marquant dans cette histoire, enfin c'est pas le plus marquant, mais le bon souvenir que j'en garde du coup avec ma sœur, c'est que je descends les escaliers et tu vois, il y avait la table ronde comme ça, et elle était en face, et ma sœur voit ça. Oh, et elle était plus âgée, donc du coup c'était l'âge un peu où on se taquinait, tu vois, et elle s'est mise à rire tellement qu'elle riait, elle est tombée par terre, enfin du coup c'était... Et le lendemain j'ai dû retourner à l'école, mais j'avais eu encore la bonne idée, tu vois, de me mettre un bandeau sur la tête, donc forcément tout le monde te voit avec un bandeau, se dit mais qu'est-ce que tu as, et les enfants sont très méchants à cette époque-là, mais bon j'en veux à personne, tu vois, mais du coup on m'a attrapée, on m'a enlevé le bandeau, et c'était encore pire, tout le monde s'est encore plus moqué de moi, c'est horrible, mais bon voilà, maintenant j'en rigole bien, et... On passe des bonnes soirées de repas de famille à rappeler cet événement et même moi j'en rigole. Donc voilà. Ça a fait rire aussi là dans nos commentaires. Et ah, j'ai pas de photo. Vraiment, la photo. C'est vrai que j'ai pas de photo. Il faudrait que je regarde dans les albums. Je crois pas. Je continue. C'est donc toi, Milo, qui va deviner pour la dernière fois. Bon, je pense que le résultat de notre quiz est déjà tombé, mais je ne vais pas encore le dévoiler. Mais je crois que l'issue est déjà faite. Bref. Ce qui est rédhibitoire pour moi vis-à-vis d'un produit cosmétique, c'est s'il n'est pas efficace ou si la marque fait du greenwashing ou aussi si la senteur me déplaît. Ce qui est rédhibitoire pour moi vis-à-vis d'un produit cosmétique, c'est s'il n'a pas un beau flacon ou s'il n'a aucune odeur. La 1, c'est toi et la 2, c'est Sandrine. Bravo. Bravo, Milo. En effet, pour ma part... bon, l'efficacité, bien sûr, même si maintenant, je cherche toujours des compositions naturelles. Donc, en effet, c'est pour ça qu'il y a cette dimension greenwashing qui m'agace, parce que ça nous trompe, nous consommateurs, quand il y a du vert partout et qu'en fait, on se rend compte que la composition n'est pas si clean, comme on dit. Et Sandrine, toi, au niveau déjà du packaging, c'est vraiment important que le flacon soit travaillé. Oui, c'est très, très important, parce que les cosmétiques... c'est pas donné. Voilà, il y a des gens qui rêveraient de pouvoir s'en acheter, ils peuvent pas s'en acheter. Donc j'estime quand même que les marques peuvent faire un effort sur la présentation des produits, parce qu'ils arrivent bien à faire un effort sur le prix. Donc je pense qu'ils peuvent faire un effort sur la présentation du produit. Donc c'est quelque chose de très réduitoire. Par exemple, je prends le cas d'un parfum. Payer un parfum une fortune et se rendre compte que le flacon est une simple bouteille, non, aucun intérêt. Puis il y a la part de rêve. On se fait plaisir en sachant quelque chose qui est quand même assez onéreux, plus pour certains que d'autres, mais ça reste quand même quelque chose d'onéreux qu'on ne peut peut-être pas forcément s'acheter tous les jours, surtout dans la conjoncture actuelle. Donc j'estime que les marques, avant de faire des prix exorbitants sur des produits, peuvent faire un effort sur la présentation et sur le packaging de leurs produits. Même si le produit en lui-même te plaît plus sur une marque qu'une autre, tu vas préférer le packaging ou c'est juste que ça... Parce que quand on me dit rédhibitoire, je me dis oui, mais du coup, si tu as un produit qui te paraît de meilleure qualité, mais le packaging est un peu moins bien qu'une autre marque, du coup, tu vas quand même préparer... Il faut que ce soit un ensemble, en fait. Oui, oui. Que ce soit un ensemble. C'est un ensemble de choses. Comme je disais, c'est le prix, voilà, ils savent faire le prix, donc ils peuvent quand même faire que tout aille avec. Ah oui. C'est ça que je veux dire. Tu vois, par exemple, une grande marque qui va te promettre mondes et merveilles sur une crème, ok, ils vont respecter ce qu'ils disent, mais tu vas avoir un tube de pommade en présentation. Non, je comprends pas. Enfin, je veux dire, c'est soit tu vends du rêve, soit tu vends pas du rêve. Ou alors tu vends un tube de pommade avec des effets miraculeux, mais c'est un tube de pommade et à ce moment-là, c'est 10 balles la pommade. Pour moi, ça fait partie du truc, tu vois ce que je veux dire? Après, c'est l'efficacité qui va prôner. Mais si tu pars dans quelque chose de, on va dire, un peu luxueux, haut de gamme, ou qui commence à avoir une certaine marge de prix, j'estime que le flacon est très important. Je comprends ton point de vue. Et la senteur, et la senteur une odeur, aussi. Quelque chose, pas forcément, tu vois, mais qu'il y a un petit truc qui fait que, ben tiens, je me suis offert ça. Bon, ça a un certain prix, mais bon, voilà, tout y est pour que je sois contente d'avoir fait ça. L'expérience est vraiment importante pour toi. Surtout que, voilà, y a un abus clairement de certaines marques, donc non. Faut vraiment que, voilà. Après, si je veux acheter, par exemple, un produit bio, clean, tout ça, et qu'on me le présente dans une bouteille en verre, ben voilà, je suis conquise parce que on prône le clean, le bio, la bouteille en verre, tout coïncide. Mais après, si on me vend un produit un peu luxueux et que je me retrouve avec une bouteille en plastique, je vais me dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, je veux dire, tout a une importance, en fait. Pour ma part, c'est vrai que la senteur, c'est très important. En cosmétique naturelle, c'est un vrai sujet puisqu'il n'y a plus les parfums de synthèse pour rendre la senteur agréable. Donc, on peut avoir des senteurs plus ou moins brutes. Et selon, parfois, ça, c'est un peu spécial. Donc, ça joue, même si le produit peut être vraiment top au niveau de l'efficacité et au niveau des valeurs du coup derrière, puisque c'est important pour moi. La senteur, je reconnais que c'est aussi dans les... Notamment une crème visage, par exemple. Moi, j'aime bien appliquer une crème visage. Alors, je veux pas que ce soit entêtant non plus, mais de savoir qu'elle a une petite senteur qu'une autre aura pas, bah, j'irai plus vers celle qui a une senteur avec la même efficacité. Mais j'irai vers celle qui a un petit goût le matin qui est agréable à appliquer parce qu'elle a justement son petit goût qui va me mettre de bonne humeur. Et toi, Milo, qu'est-ce que tu m'avais dit? J'avais dit, non, tester sur les animaux, non? C'est vraiment rédhibitoire. Après, j'avoue que vu que je ne suis pas grande consommatrice, et que c'est très récent, toutes ces valeurs que j'essaie de découvrir en moi, parce que je pense que c'était là, mais c'est juste que j'avais pas l'occasion de les explorer. Maintenant, je fais vraiment attention, vraiment. Vraiment attention à ce que ça soit vraiment éthiquement. Après, voilà, comme je dis juste avant, ça n'empêche pas qu'il y ait des fois des oublis, des fois tu peux pas être. Parce que du coup, quand tu. C'est pour ça que moi, je n'ose pas encore dévoiler ou me confier, me mettre dans une certaine vulnérabilité par rapport à mes valeurs, parce que après, les gens ne te lâchent plus. Les gens ne t'accordent aucun écart. Et je le vois, tu sais, rien que dans mon entourage. Dans mon entourage, déjà. Je n'aime pas créer le débat parce que je n'aime pas déjà j'aime pas le conflit. Je suis d'accord qu'on ne peut pas être d'accord et le fait que je n'ai pas envie qu'on essaye de me convaincre et moi j'ai pas envie de convaincre quelqu'un de mes valeurs et du coup j'ai pas envie de me dire oui mais alors tu fais ça mais à côté tu fais ça. En fait on a l'impression que quand tu as certaines valeurs dont le fait de manger un petit peu moins de viande ou pas du tout, eh ben du coup tu deviens quelqu'un oui mais alors du coup ton jean là tu l'as acheté à Zara, oui mais alors du coup tu vois, il faut que tu sois ou tout blanc ou pas du tout. On ne peut pas faire des efforts pour tout. Et je pense que même un petit effort sur quelque chose, c'est déjà bien, en fait. Tu vois, je trouve qu'on est trop sévère. Et ce qui m'a poussée vraiment à me lancer dans le « Ok, je vais pourtant, je t'assure que j'étais viandarde vraiment. Pour moi, petite, le foie gras, j'appelais ça du pâté, vraiment. C'est vraiment tellement vous dire, c'est la culture de « j'adorais ça ». Et en fait, je suis tombée sur un blog d'un vegan extrémiste, vraiment, qui est dans une association L214 et ça, et qui disait « il faut arrêter de sanctionner ou de me pointer du doigt les gens qui essayent, en fait ». C'est pas parce que tu essayes et que tu as mangé une tranche de jambon que « Oh mon Dieu, regarde, c'est pas bien !» Tu vois, et en fait, à force d'être trop radical, eh ben, les gens n'osent plus en fait faire des efforts ou faire des choses parce que du coup, tu te sens pointé du doigt et t'as l'impression que c'est ou tout ou rien. Et donc, c'est pour ça que tu vois, j'ai du mal encore à dévoiler ces côtés-là de moi parce que déjà, j'en ai pas besoin. Je pense que ceux qui me suivent n'ont pas besoin de savoir si je mange de la viande ou pas, même si je pense qu'aussi en tant que de personne qui a du public, tu te dois aussi de sensibiliser à certaines choses. Je dis pas influencer, hein, mais juste sensibiliser à certaines choses. Mais c'est pas un combat que j'ai envie de mener maintenant et je suis pas prête en fait à faire ça. Mais bon, tout ça pour dire que oui, je regarde, mais je le crie pas sur tous les toits parce que j'ai pas envie qu'on me pointe du doigt dès que je fais une fausse note. Oui, c'est vrai ce que tu dis sur le côté écologique, il y a une intransigeance et en effet, tout va être vérifié. C'est un domaine particulier où on veut que ce soit totalement parfait, ce qui est impossible. C'est des petits pas. Astrée me demande si j'ai besoin d'une bonne senteur ou si ça peut être neutre. Oui, j'ai peut-être pas été très claire. Moi, pour moi, ça peut être neutre, un produit, notamment voilà, dans les compositions naturelles, comme on n'a pas de parfum synthétique. Ça ne me dérange pas que ce soit neutre, mais il y a parfois des senteurs assez fortes de matière brute dont je suis moins fan. Nous enchaînons. Sandrine, j'ai longtemps été complexée par mon poids, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai longtemps été complexée par ma taille et mes boutons, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'est un peu le piège parce que c'est un petit peu le piège. Je dirais Milo le poids et toi les boutons. Nanou pense que moi, c'est donc également la taille et les boutons. Manel, par contre, pense l'inverse. Et c'est l'inverse. C'est pas grave. Désolée, J'ai eu Sandrine. le doute, hein, j'ai eu Mais le doute. Et je me Sandrine, dis, attends, elle fait de la c'est. danse. Hein. Peut-être que avant, il y avait un truc qui a eu des déclencheurs. Et toi, tu es dans la beauté, donc je me dis, peut-être qu'il y a eu un truc déclencheur. Donc j'ai joué comme ça, mais ouais, je me suis fait avoir. Sandrine, du coup, comme toi et C'est moi, on pour n'a ça, pas en encore fait. fait notre C'est un interview qui piège. aura lieu le 11 mai, c'est plus difficile pour toi là. Donc tu t'en sors très bien avec toutes tes réponses. On nous dit c'est délicat de ne vexer personne, je préfère me taire. Je trouve pas parce qu'en plus tu dis que maintenant ça va mieux et je pense qu'en fait tu vois tous ces complexes-là c'est une histoire de toi et toi-même en fait. Une fois que t'es d'aplomb dans tes chaussures, les gens peuvent te dire tout ce qu'ils veulent. Par contre, si t'es un peu fébrile sur ça, oui, là ça peut vexer, tu vois. Mais là, vu qu'on a dit que c'est fini, tu vois, peut-être que je trouve que c'est vraiment une histoire de toi et toi-même quoi. Je pense qu'on a toujours en soi, enfin, si un complexe a été très fort, ça reste quand même, on peut être un petit peu sensible, mais tu as raison. Là, l'idée, c'était de montrer ce qui va mieux. Et moi, oui, notamment à l'adolescence, je contrôlais beaucoup mon poids. En fait, petit à petit, en vieillissant, j'ai compris que ce qui comptait, c'était surtout peut-être que je fasse du sport. Je dis peut-être parce que ça a été quand même pas systématique. Et je dois reconnaître que la grossesse m'a permis de passer à autre chose, entre guillemets. Manel nous dit gros mec, genre tout le monde est beau. Et oui. Du coup, toi, Milo, Tu sais, les dis-nous. boutons, ça a été. Enfin, j'ai jamais eu une grosse peau acnéique vraiment complexante avec des grosses plaques rouges comme j'ai pu voir. Donc, c'est vrai qu'on peut dire, bah non, mais ça va, quoi. Mais à un moment donné, ça a été vraiment une souffrance parce que ça a été après. Ça a été vraiment vers 20 ans où j'avais vraiment tout le temps des gros kystes, des gros trucs qui font mal, des trucs que vraiment je m'en sortais plus, c'était vraiment horrible. Et jusqu'à il y a pas longtemps encore, hein, jusqu'à l'année dernière encore, tu vois, j'avais de l'acné et tout, et à me dire, mais pourquoi? Mais c'est pas possible. Et puis en plus, bien évidemment, t'es là, tu les touches, alors que je sais très bien qu'il faut pas les toucher. Enfin, et puis t'as des cicatrices. Et encore, jusqu'à pas longtemps, hein, ça me répugne d'avoir ça, mais plus maintenant, ça me répugnait, pardon, vraiment, mais vraiment en colère après moi, quoi. Vraiment, c'est le mot. Et moi, j'ai aussi une philosophie de dire qu'il y a quelque chose à régler. Alors, je crois pas tout ce que les mots disent sur tes mots, les mots MOAUX sur tes mots MOTS, parce que des fois, ça fait un peu, enfin, horoscope Marie-Claire, tu vois. Il y a tout le monde qui se reconnaît partout. Bon. Mais je crois vraiment que c'était un intérieur. Quand je te dis, là, tu vois, c'est quand même violent. Je te dis, ça, vraiment, j'étais en colère après moi d'avoir ces boutons-là. Je pense qu'il y avait vraiment un message que mon corps essaie de m'envoyer. Et là, maintenant que je trouve l'apaisement de plus en plus, je trouve que ça se voit sur ma peau. Alors que ça soit parce que du coup, j'ai un autre monde de consommation alimentaire ou un autre mode de vie ou que du coup, je les regarde moins, je les touche moins. Je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une espèce de cycle vertueux qui se crée. Et pour la taille, écoute, je fais 1,72 m, ce qui n'est pas très non plus très très grand, on va dire. Je suis pas 1,80 m et je trouve ça très beau les filles de 1,80 m. Mais j'ai toujours été, on disait toujours, non mais toi t'es grande de toute façon. Dès que tu mets des talons, les gens te disent, ah ça va là-haut. Non mais toi de toute façon t'es trop grande. J'ai toujours eu enfin, été en couple avec des gens qui étaient plus petits que moi et ça m'a toujours semblé bizarre. Mais du coup j'ai toujours été, pas que pour ça, j'ai toujours été complexée dès que je mettais des talons ou quoi, on me disait. Mais genre t'es trop grande, non mais toi la grande et toi la grande à la danse pareil, tu vois j'étais toujours derrière parce que la grande, c'est pas le fait d'être derrière, tu vois c'était vraiment qu'on pointe du doigt toujours que je sois grande. Et du coup, ça m'a créé un complexe. Alors qu'à la base, je ne l'avais pas. Et du coup, je me dis... Ça, j'ai encore un peu du mal, ouais, à mettre des talons et tout, alors que je trouve ça super beau. Mais au fur et à mesure, du coup, mon style, c'est beaucoup plus streetwearisé et j'ai plus trop l'occasion de mettre des talons. Et puis, on n'est pas très à l'aise là-dedans, on est d'accord. Aujourd'hui, j'ai bientôt 30 ans et je me rends compte que l'entourage fait énormément. Vraiment, je pense que c'est comme une fleur, tu vois, quand tu lui dis tous les jours qu'elle est belle, bah, elle va plus forcément... Enfin, tu vas fleurir et te donner de belles fleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, sans faire tourner en phrase de Grey's Anatomy, tu sais, de fin d'épisode, je trouve vraiment, vraiment que ton entourage, on ne le dit pas assez. Mais qui tu es, ça compte énormément. De toute façon, quand tu es une personne, tu vas attirer un certain type de personne, soit parce que tu es dans un mal-être et que du coup, tu attires des gens qui... Bon, bref, on ne va pas faire de débat sur ça, mais... Je pense vraiment que ça compte autant que ton discours intérieur. Je pense que les gens qui sont autour de toi, ça compte énormément dans son épanouissement. Et je souhaite à tout le monde d'avoir des gens vraiment authentiques et des gens qui sont qu'amour avec eux. Et qu'amour, c'est aussi te dire les choses en face quand il faut. Et voilà, je trouve qu'il n'y a rien de plus sain que d'avoir... d'avoir le courage aussi de sortir de certaines situations et de se rendre compte que tout le monde mérite d'être entouré d'amour et de choses saines et bienveillantes et authentiques. Alors moi, mon complexe, ça rejoint ce que tu dis. Si tu veux, j'ai une famille qu'on n'a pas très envie d'avoir quand on est une enfant, mm-hmm. avec une mère qui était très critique sur l'apparence, qui me répétait tous les jours que j'étais enrobée hein, quand j'étais jeune. Je le suis encore aujourd'hui, mais sauf que maintenant, je m'en fous. Donc, ma mère me répétait tous les jours que j'étais grosse, que des choses vraiment très, très méchantes. Et ça m'a énormément détruite jusqu'à un certain âge quand même. Et c'est vrai que ce qu'on te dit au quotidien peut jouer énormément. Quand on te dit tous les jours que ben, tu rentres pas dans la norme ou que t'es pas bien et que t'es moche et ceci et cela, c'est vrai que tu te sens pas bien et que tu t'épanouis pas. Quand tu commences à devenir adulte et que tu fais ta vie et que tu rencontres les bonnes personnes et que tu as ta propre famille et qu'on te fait comprendre que tu es belle et que la beauté, ben, c'est pas seulement un visage ou c'est un ensemble de choses, et ben là, tu commences à t'accepter et tu te fous complètement de ce que peuvent penser les autres. Complètement. Voilà. Donc, ça a été mon poids pendant des années et maintenant, je vis très bien avec. Ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, ben, ils regardent ailleurs et puis voilà. Hein. Mais moi, je me sens bien maintenant. Voilà, j'ai deux filles merveilleuses, un mari formidable, donc ma vie est top maintenant, donc c'est l'essentiel. Et la beauté, c'est un ensemble, hein, c'est pas qu'un visage, c'est pas un corps, c'est un ensemble de choses que reflète une personne. La beauté, c'est ça, c'est pas un visage par idée, c'est pas des seins remontés, non. La beauté, c'est un ensemble de choses qui fait qu'on est une personne unique, et heureusement. Et Nanou est tout à fait d'accord, elle te dit « Tu es trop belle ma Sandrine, moi aussi, et tu as Nanou, un cœur d'or, je t'aime ». On part sur de belles, c'était une bonne dernier thème parce que c'est très positif tout ça. Je vais comptabiliser, officialiser notre corps de ce soir. Nous avons pour cette manche-ci 3 points pour Milo, 1 point pour Sandrine. Donc un total de 5 points de les deux parties confondues pour Sandrine. Et de 9 points pour Milo, bah bravo à toutes les deux parce qu'il y a eu du bon partout. Milo, vraiment, mais en fait, tu t'es genre jamais trompée. T'as pas honte? Ça sous-entend que j'ai pas fait un truc assez difficile. Non, mais bravo, tout le monde gagne le sérum, il n'y a pas de perdant ce soir, c'est la dernière phrase un peu positive comme ça de la soirée. Pas de perdante puisque tout le monde repart avec le sérum. Milo, tu pourras découvrir la crème également. Bah, j'espère que ça vous plaira aussi. Et bah, vous me direz ce que vous en avez pensé. Merci en tout cas beaucoup d'avoir joué le jeu, de m'avoir raconté déjà en avance, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et d'avoir de vous être livré ce soir. On a eu de la transparence, je pense. Félicitations. Merci pour bis. Bravo les filles. Bravo Milo, quel talent. Et bravo à Sandrine aussi, merci qui beaucoup. N'a pas démérité. Bravo à vous deux, bravo à vous. Ah bah on part vraiment sur du très positif. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission pour fêter les 2 ans du podcast. Les filles, merci beaucoup. C'était vraiment cool de passer ces 2 ans avec vous. Merci beaucoup à toi, c'était vraiment trop cool. J'ai passé un super moment, merci.